le West Negro. On veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots. Mon argot sous un carreau. Derrière des barreaux, les poils hérissés. Du gros, je vais foutre la merde et je vais me barrer. Comme au lycée, ici y'a qu'une marée. Et elle est noire foncée. Que le hip-hop français repose en paix. Mesdames, messieurs, ici bas pour représenter. On roule tous à 200, certains ont pété les cieux. J'ai pas prêté mon stylo salope. Mon gros top équipé arche. Si je baisse les garces avec un hard top. FAUX des branches. Baissé en noir avec une fauche, contourne les MC à la crêpe blanche. Le résultat d'une blanche et d'un nec. Un coup de hanche et c'est le rabbin, fais pas ton nid sur la branche d'un nec. Je t'ai montré l'hexagone du doigt, du shit sous un oncle. Tu la belle vie sous un autre angle, faut pas t'inquiéter. Le monde est nôtre, un satellite pour défourailler le but. 9-2 petit, je te répète, faut pas t'inquiéter. L-U-N-A-T-I-C, y'a que la moitié attend. Arrache-toi des barres pour sortir de boîte en boîte. Toujours là. Avec mes culs jatte et mes robes bien merco. Paraît que le métro ça a changé. Ça fera pas de nous des héros. J'm'en bats les reins négro. J'ai les crocs, j'ai pas du bled de mon terrain. J'suis venu marquer mon temps, malgré mon teint. Du bluff d'ici malgré, c'est bien des noirs et des maghrébins. C'était juste un puzzle de mots et de pensée. Que le hip-hop français repose en paix. Ils veulent rivaliser, leur truc c'est nul. On est trop haut, négro, ils sont petits comme une cellule. Pourtant j'suis qu'une petite vedette, toujours un petit dep insolent. Contre les agents, les médailles d'argent. On aime nous cracher notre haine, moi et ceux derrière. Ma première parole sera la dernière. Depuis mon arrivée, le string du mauvais trempé. Que le hip-hop français repose en paix. Sir Doom, Sahel et Nesby. Que le hip-hop français repose en paix. Les deux os, lunatique, mal et calmort. Que le hip-hop français repose en paix. Mauvaise langue, Moussa Kedjo, chaud, bouillant, oh. Que le hip-hop français repose en paix. 92 injections, JB shit, Gerardo JB. Que le hip-hop français repose en paix. Ouais.